réponds pas tout de suite, on en reparle. OK, je suis prêt. T'es-tu prêt, Nick? La toune, es-tu loadée? OK, c'est bon, elle va partir tout de suite après que j'aille faire mon affaire. Moi aussi, je la chalais avec ça. On t'aime, Nick. All right. Bonsoir, en manchette ce soir. On parle d'argent, on parle de sondage et on parle de Lego. Et voilà. Vous êtes à 70%. My child, I'm gonna go back in time to Nazi Germany and kill it once and for all. So, OK, je pogne la poque, Nick. Merci. On est en train d'écouter, en fait, 70%, c'est Polyp, le band. Et comme je parlais à Bruno, mes dernières recherches disent que le band n'existe pas. Et puis, dans le fond, nous, on est là depuis 2006. Et en 2009, ils ont fait une chanson qui s'appelait 70%. Donc, ils nous ont fait une toune thème. Là, on n'a jamais vraiment comme cherché à mener l'enquête ou quoi que ce soit. On est très contents aussi qu'ils aient pensé à nous sans y penser vraiment. Là-dessus, mon nom, c'est Tommy Godette. Bienvenue tout le monde à ce nouveau 70%, le show de ceux qui donnent le strict minimum. Vous avez vu ici, à ma gauche, on a deux invités de qualité. Ils ont traversé plusieurs gallon d'eau, pour se rendre, on peut dire ça comme ça. Hein. Vous allez leur trouver. Si on veut être en métrique. Ah oui, j'avoue, hein, ouais. De ce côté-ci, on est encore en impérial, par ouais, contre. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Écoute. Ma gueule beaucoup. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Ninon et Johan de Caribou Volant. Et ça apprécie, hein. Y a... chauve-souris aussi, quelque chose. Et sinon, ben, je vous présente les chroniqueurs qui vont faire ce 70% avec nous. Je sais que Fred va revenir nous rejoindre. Sinon, ben, il y a Simon Portalange, Jonathan Simon, Mathieu Boudreau, on a Éric Carmen et, bien entendu, Damien Blasbouchard, comme on en parlait tantôt, et mon fidèle comparse Bruno, que j'aime bien gros Corbin. Là-dessus, ouais, on va commencer tout de suite. Moi, j'ai une petite question comme ça, là. Si je vous chante... ben, parle-moi pas des femmes. Non, parle-moi pas des femmes. C'est le plus grand mystère que Dieu a mis sa terre. Ça vous dit-tu quelque chose? Pas vraiment. Asti, qu'ils sont bénis, hein, de ce bord-là de l'Atlantique. Gênez-vous pas à parler dans le micro fort, on veut vous entendre. Là. Sinon, une autre question qui est très intéressante. Êtes-vous un couple? Pas de réponse. Pas de réponse? OK, t'es comme friendzone à fond. Toi, it's complicated. Fait que c'est votre projet, c'est votre petit bébé. Là. Fait que vous avez décidé de l'appeler Caribou Volant. Ça vient de où, cette idée-là? Ça vient d'ici. Ça vient d'ici? Non, je suis né à Québec et donc en fait, j'ai grandi à Paris. Du coup, quand on a monté le projet, on s'est dit, allez... on va donner un nom québécois à notre groupe et tout le monde prend pour des Québécois à Paris alors que bon, on est plutôt des Parisiens finalement. Ben, ça s'entend. C'est ça. L'accent, ça s'entend. Mais on a quand même voilà, des atomes crochus avec le Québec et on apprécie beaucoup la musique québécoise, donc on essaye aussi de lui rendre hommage quand on peut. Non, mais le pigeon volant, c'était moins drôle aussi. Hein, ouais, j'avoue. Et connaissez-vous la toune Carrie Boogie de Arthur l'aventurier? Ça fait non. Quoi? Tu peux nous la faire? En tout cas, ben, je vous ferai écouter ça à un moment donné. Vous n'allez pas le regretter. Là. C'est Caribou Guy, là, ils sont pas mal dedans. Sinon, ben, votre musique, est-ce que c'est traditionnellement québécois? Avez-vous comme des racines, des idoles desquelles vous vous inspirez? Oui, on a des groupes qui nous tiennent à cœur. Je pense qu'ils vous tiennent à cœur aussi, à ce que j'ai pu voir. OK. Donc, notamment, ben, alors, c'est apparemment, c'est des clichés, je sais pas. Moi, je découvre le Québec. Les aïeux à cheval de la chicane, genre. On est très fans des colocs. Ah, bon, voilà. Ouais, c'est, peut-être qu'ils vont revenir hein, pour en faire un autre. C'est possible. Ouais. You gotta believe. Ouais. Leur meilleur album, c'est 2007, ouais, c'est sûr. Sinon, c'était-tu le fun dans l'avion? Avez-vous écouté un film? Ah, dans l'avion, oui, on a regardé plein de films. On s'est éclaté, ouais. C'est quoi qui joue dans l'avion, ces temps-ci? Voilà. Qu'est-ce qu'on a regardé? Les yeux jaunes des crocodiles. Ah oui, les yeux jaunes des crocodiles. Il y a un film qui s'appelle comme ouais, ça. C'est un bon film français. Ah ouais. Ça passe ici. Colin, les yeux jaunes des crocodiles, c'est dit. Je pense qu'on va aller checker ça. Je m'attendais pas à une réponse qui était pour... intrigué à ce point-là. Ouais, genre, ouais. Je m'attendais vraiment à... Oh, il y avait Bruce Willis, puis ça explosait. Genre, il y avait aussi Bruce Willis. Ah, bon, voilà. Dans le film français? Non. Ah oui. OK, ben Gérard est parti, ça fait beaucoup de place après. Faut remplir tranquillement. Mais très content de vous avoir avec nous pour ce 70%. On a fait du branchement et tout. Vous allez être prêts pour nous jouer des chansons tantôt. Sinon, ben de la manière que ça marche, c'est qu'à partir de maintenant, il y a des gars... qui vont venir émettre des bruits et vous commenter à loisir. OK, ça marche. C'est bon, OK. On fait ça relax. En plus, s'il vous manque de pinte, Martine est tout le temps là. Il est très sympathique. Là-dessus, ben, très content de vous avoir avec nous. Nick, on part avec le premier. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Alors, c'est toujours la chute libre pour le bolivar vénézuélien. La crise économique cause entre autres une pénurie de papier de toilette au pays. Le gouvernement a promis d'importer 50 millions de rouleaux de papier de toilette, mais demande aux citoyens de faire leur part en mangeant moins. Évitant ainsi d'aller aux toilettes trop souvent. Le bolivar... On a un message du palais présidentiel. Si tu manges moins, tu chies moins. Le bolivar qui s'est rendu à 423 bolivars par dollar américain ce mois-ci vaut techniquement plus cher sous forme de papier de toilette en ce moment, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Et voilà, ça c'est... Wow, hein? Lâchez pas. Hein? Voilà. La prochaine fois qu'ils veulent se mettre quelque chose à dos, il faudrait pas que ce soit comme... le monde civilisé. Complet, genre. Ouais. Écoute, hein, on apprend de nos erreurs. Oui. Un nouveau sondage effectué en Grande-Bretagne sur les métiers les plus dignes de confiance a révélé que seulement 17% de la population fait confiance aux sondeurs, rendant les résultats de ce sondage caduques. Cette nouvelle inutile crée ainsi une brèche dans la réalité. Ouais, c'est pas pire, ça. Ça me rappelle le Cosmopolitan, un mois, il y avait dans les rangées de in et out, puis dans les out, il avait mis les listes de in et out. Fait que, tu sais, genre, analyse objective de ce qu'on fait, je sais, voyons. Next, une autre, ouais. Oui, Stanley McQuarrie, 54 ans, est entré par infraction dans l'appartement d'un homme de 79 ans à San Diego, Californie. Après une confrontation, McQuarrie a poussé la victime hors de sa chaise roulante électrique et s'est enfui sur son nouvellement acquis véhicule. Lorsque la police l'a retrouvé, l'homme a tenté de la semer sur sa chaise roulante, mais s'est rapidement fait rattraper. Il s'est alors enfui à pied et a été arrêté quelques minutes plus tard alors qu'il a été mordu par un chien. Un chien de police? Un chien de police, oui. Il y a des histoires. En tout cas, au moins, il a essayé. Hein. Live or die young. Là. Puis la vie... Hein, ça te rattrape. C'est pas une destination, c'est un voyage. Hein. Effectivement. Ouais. Est-ce que ça résume bien? C'est la fin de ton premier bloc? Why not? OK. On va en avoir d'autres à la fin. J'aime bien gros ça, les vraies nouvelles du monde. Mais c'est des vraies nouvelles, en plus. Oui, il manque de papier de toilette pour vrai au Venezuela. Dans quoi il trouve ça, du coup, un peu partout? Ouais, j'ai des sources, là. Je te dirais qu'il y a probablement trois blogs assez solides sur lesquels je passe un petit peu trop de temps, en fait. Voilà, c'est dit. Ah ben, Nick, on passe au prochain. Mesdames et messieurs, vous écoutez Super Plus sur DTV. Bonsoir tout le monde, bonsoir à nos invités, bonsoir Tommy, bonsoir Bruno. Salut Damien. Salut Brouhaha. Alors bon, d'habitude je fais des affaires niaiseuses, je m'invente des métiers et je suppose que j'ai des qualités et des ressources fiables pour effectuer d'autres métiers qu'est le mien. soi-disant. Cette semaine, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus sérieux et d'exercer mon vrai métier, c'est-à-dire lecteur expert en littérature. Donc... Laisse-le vivre. Laisse-le vivre, donne-lui de l'air. Et c'est pourquoi j'ai choisi en fait de parler d'un de nos icônes dans la société occidentale qui s'appelle James Bond. Oui. Donc James Bond est une réelle série de romans écrits par un monsieur anglais qui s'appelle Ian Fleming. Et puis bon, j'ai acheté ce livre-là 1,25$ dans un sous-sol d'église. Et puis en ouvrant une page par hasard, je me suis dit bon ben ça serait bien de parler de ça. À 70%, hein? C'est parce à ça qu'on sert. On est toujours dans la critique ici, bien sûr, et l'autocritique. Fait que ce que t'es en train de me dire, c'est que t'as préparé ta chronique cette semaine, là. Non, ben, en fait, j'ai juste envie de vous lire des passages sur le livre et d'entendre, en fait, le public décider sur... qu'est-ce qu'on pense de James Bond maintenant que je vous lis l'origine? Ben ouais, parce que là, on connaît le personnage James Bond. On connaît Bond, le personnage dans les films, mais que penser de l'origine du personnage? Donc, mise en situation, James Bond... est en train de mener une enquête sur un complot mondial quelconque. Il est très gentleman et excité, hein, parce que James Bond aussi est quelqu'un qui est maniaque des détails. C'est, personnellement, est à peu près en fait psychotique dans sa manie de décrire les gens et de voir en fait de composer esthétiquement quelqu'un à partir du regard qu'il a sur lui et d'analyser aussi la personnalité de la personne qu'il est en train de poursuivre. Et là, il poursuit une femme en voiture. Et voici la description que nous donne le narrateur de la femme qu'il poursuit en voiture et un peu la pensée que James Bond entretient sur les femmes qui sont au volant. Donc, on trouve souvent parmi les femmes des conductrices attentives et sûres, mais on n'en voit pour ainsi dire jamais qui soient de premier ordre. Rencontrer une femme au volant était toujours aux yeux de Bond légèrement risqué. Aussi lui laissait-il toute la largeur de la route et se préparait-il à l'imprévisible? Et la meilleure partie, quatre femmes dans une voiture représentaient pour lui le plus haut potentiel de danger, et deux femmes, un péril presque aussi mortel. Impossible de rester silencieuse. Quand on parle, on ne peut se dispenser de regarder son interlocutrice. Il ne suffit pas d'échanger des paroles. Il faut encore surveiller les expressions de physionomie, probablement pour deviner ce que cachent les paroles entendues pour guetter une réaction. Deux femmes assises sur le devant d'une voiture ne cessent de se distraire l'une l'autre et ne voient plus ce qui se passe sur la route. Quatre femmes ne sont pas seulement deux fois plus dangereuses, elles le sont bien davantage. Car la conductrice doit non seulement écouter en la regardant ce que dit sa voisine, mais elle doit aussi s'intéresser. Les femmes sont ainsi faites, virgule, à ce que disent les deux autres assises aux places arrière. Donc, on a un peu, en fait, c'est ça, c'est que quatre femmes à l'intérieur d'une voiture vont nécessairement parler entre elles et générer le chaos sur la route. C'est vrai, moi, je confirme. Mais le terme « danger » a été utilisé. Danger! Oui, oui. Puis là, c'est James Bond qui se fait tirer. Et ça nous ramène, en fait, à ce qui est le plus important pour James Bond, c'est-à-dire l'excitation sexuelle qui provient du danger et qui lui confère sa puissance mâle dominante. Okay? Donc... si, en fait, il crée des dangers en la personne de quatre personnes dans un genre... T'sais, et alors, il y avait l'escalier de trois marches. Et bravement, je l'ai vaincu. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative sexuelle dans un escalier de trois marches. Ça, c'est le vrai, fait d'être contre, en face c'est... d'une femme, en fait, c'est que les escaliers non, sont peut-être intéressants. Okay. Mais on s'éloigne du sujet. Le fait, c'est que j'aimerais seulement vous attirer sur l'attention le fait que James Bond, en fait, considère que... en fait, c'est ça, c'est que la perspective du danger... excite en même temps son désir sexuel et lui confère d'une certaine façon un désir de puissance sur la personne qu'il rencontre. Et la suite est encore plus savoureuse. Eh bien, cette femme, pas n'importe laquelle, cette femme conduisait comme un homme, OK? Son attention conduisait comme un homme, OK? Son attention était concentrée sur la route et sur ce qu'elle apercevait dans son rétroviseur. C'est pas rien. Comme ça. Elle conduisait, là. Elle regarde dans son miroir. Ouais, elle check ses angles morts pis tout. Attendez! Elle apercevait dans son rétroviseur accessoire assez rarement utilisé par les femmes, sauf pour rectifier leur maquillage. Et voilà, et voilà. Mais ça, il faut rappeler qu'en l'an 412, quand ça a été écrit, c'était ça. Là. Ah ouais, les mais les voitures médiévales étaient absolument conçues ben oui. pour les hommes Exactement. Et les catéchumènes. On le sait. De plus, fait assez rare, elle prenait le même plaisir qu'un homme. Le même plaisir qu'un homme à sentir la mécanique lui obéir. À choisir le moment de changer de vitesse, de freiner. Donc, en fait, c'est ça, c'est que l'homme est capable de choisir le moment où il jouit et le moment où il travaille. Le fait de sentir la mécanique obéir à sa volonté lui confère une position de puissance. Et là, il est devant une femme qui ne s'intéresse pas, en fait, à se maquiller dans le rétroviseur ou à papoter avec des amis. Elle est intéressée, en fait, au fait de conduire. Et le fait que James Bond rencontre une femme qui prétend à des pouvoirs hommes, c'est ça qui l'excite, en fait. Et c'est l'origine, selon moi, de la Bond Girl, c'est-à-dire une fille, une femme, qui prétend au pouvoir masculin en fréquentant les mêmes actes et les mêmes, en fait, plaisirs qu'un mâle peut éprouver, par exemple, conduire une voiture. Donc, James Bond, très excité, la poursuit, bien sûr. A accepté d'être la quatrième du film aussi. Genre. Oui, bien sûr. Donc, il dit, je vais terminer là-dessus, mais elle n'adressait pas la parole à Bond et paraissait ignorer sa présence, chose d'autant plus excitante, ce qui lui permit de continuer son inspection sans se gêner. Ce visage gai et insolent devait, quand elle était en proie à la passion, prendre une expression animale. Au lit, elle devait se défendre, mordre, puis fondre en se donnant avec ferveur. Il voyait déjà les lèvres fières et sensuelles s'écarter et dévoiler ses dents éclatantes dans une invite brûlante, puis soudain s'adoucir avec une moue d'esclave amoureuse. Sacre! Oh, wow! Damien Blasbouchard, mesdames, messieurs! Hey, c'est vraiment du soft porn! Mais ouais, mais c'est mais mieux écrit que Fifty Shades of Grey quand même. Ça sûrement. Mais ça a-tu été écrit par une femme? Ah, c'est vrai, ça, c'est vrai, parce qu'il faudrait... Est-ce qu'il en ça. Parle des femmes qui écrivent aussi, des fois, James Bond? Selon moi, les femmes font juste écrire pour se maquiller en sortant sur le papier. Ces affaires-là. Est-ce que tu conduis, toi, Ninon? Ah, ça, c'est la mauvaise question. Je vais conduire, bien sûr. OK. Mais pour l'instant, malheureusement, pas du tout, et c'est bien un problème. Ah ouais, ouais. Ah, problème de permis pour se promener. Ni lui, ni moi ne conduisons actuellement. Okay, il faut le dire, le caribou volant est un caribou volant, non pas roulant. Donc, bien dit. On porte beaucoup de choses sur nos dos, mais ça limite quand même un certain nombre de choses. Je comprends, les potentiels de tournée et tout. D'ailleurs, vous êtes dans une tournée présentement. Exactement. On fait partie de ça, j'ai vu. Votre prochain, c'est où? Allez voir sur le caribou volant sur Facebook, sinon puis il y a tout. Je vais laisser Johan en parler parce que lui connaît mieux que moi. On joue vendredi prochain au cabaret du canal à la Chine. C'est au bout du canal de la Chine. Et on a encore quelques billets si jamais, après avoir nous avoir écouté tout à l'heure, ça vous intéresse. Voilà, il reste une dizaine de places pour vendredi. Et on joue samedi aussi au canal de la Chine. Et ensuite, on va partir un peu. On va jouer à Tadoussac, à l'auberge de jeunesse. Et à Lens-Saint-Jean aussi. Ah, oh boy, beau voyage dans l'Est. Et on essaye actuellement de trouver d'autres endroits où se produire. Pour profiter du voyage, pour rencontrer toutes ces belles personnes sur la route. Parfait, on va s'en reparler off 70%. Là, pour l'instant, on passe au prochain, s'il te plaît, Nick. Nick! C'est endormi. Bon matin, les clowns, ça va bien? Ah, salut Simon! Ah oh, oui! Quel plaisir d'être de retour ici, Tommy. Ben oui, très content de te revoir. C'est vraiment cool. Ben écoutez, la dernière fois, je vous avais parlé de l'île au mec trésor. Ben je me suis dit, aujourd'hui, on va continuer dans la même veine, mais en parlant d'émissions de télévision. Je pense que ça va être un thème récurrent à toutes les fois que je vais revenir ici. La chronique est née la semaine, il y a 2-3 semaines, puis c'était très cool, alors je me suis dit, je vais surfer là-dessus, alors voici ma chronique. Petite parenthèse, avoir su que vous allez être là, que vous êtes français, j'aurais fait ma fameuse chronique sur l'émission Télétourisme avec Guy Lemaire, mais finalement je l'ai pas fait, mais je sais que vous autres vous auriez aimé ça, c'est une émission très cool. Et voilà, c'est dit. Je travaille chez TV5, fais toutes les émissions françaises, je les connais. Mais en tout cas, whatever. Alors, je commence ma chronique à l'instant. C'était pas commencé, là. Ok. C'est comme quand, tu sais, il donne un gros coup de poing, mais il donne une coupe de couteau vite, là. Ouais, ok, go! Ok, go! Ok. Depuis la nuit des temps. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Sujet amené! Oh! Le dictionnaire Larousse défini! Ah oui. Depuis la nuit des temps, les clowns ont fait partie intégrante de la vie des enfants. Pensons à Patoff, Frépépouille, Kiki le clown, Ronald McDonald et etc. Malheureusement, les clowns n'ont plus la cote. Les clowns n'ont plus la cote de nos jours. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de deux clowns tristement célèbres qui ont fait la joie des enfants et des amateurs de LSD. Oui, je parle effectivement de Sol et Goblet. Yeah! Ok, Sol et Goblet, les deux clowns névrosés interprétés par Marc Favreau et Luc Durand qui nous traînent dans le quotidien de deux clowns qui vivent dans un rideau noir. Deux drôles de pistolets. Ah oui, ben ça, je l'avais plus tard. Ah, excusez. C'est pas grave, je vais sauter. Hey, c'est dur à lire avec un ordi. L'autre jour, j'avais des. Mais pèse contrôle, puis tu peux grossir. Oh oui. Oh oh! Ouais, oh fuck off. Ah oui, j'ai trouvé. Ah ouais, c'est en bas à droite, là. Ah voilà. Ah, level up pour les chroniques du futur. Ouais, là, ça va aider. Ok, donc, c'est ça. C'était deux clowns qui étaient interprétés par Marc Favreau et Luc Durand. Ils nous traînent dans le quotidien de deux clowns qui vivent dans un rideau noir. D'ailleurs, cette émission-là, ce n'est qu'un vulgaire spin-off de la série à succès qui n'a laissé personne indifférent. Hein, je suis pas mal sûr que vous connaissez tout ça. Les crocs. Les croquis. Les croquignoles. Croquignoles, effectivement. Une émission. Tu viens de me voir après. T'as plus que 40 ans. Effectivement. Hein? On le sait tous, une série culte. Tu peux le ramener chez toi. Hein? Une série culte, tu peux en témoigner. Vous savez pas ce que vous manquez. Ok, donc en gros, je vais vous décrire les personnages pour que vous puissiez suivre par la suite, parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas ça ici. En gros, il y a Goblet. C'est drôle parce que Goblet, on dirait pas vraiment un clown, c'est plus comme un Français qui a du maquillage à la face. Fait qu'un Français. Il parle un français aussi un tour national. Celui est correct, il est posé, t'as son affaire. Puis là, t'as un Goblet, Sol, que c'est un esti de clochard qui se lave pas. Il est pas capable d'aligner un mot devant l'autre, genre « c'est extraordinaire ». Là, il fait tout le temps des sons de fucking même, fait que, tu sais, puis lui, il se fait runner par Goblet. C'est comme « Goblet, là, c'est le temps que tu te laves, tabarnak, tu pues. » Mais il dit plus poliment, mettons. Fait que là, c'est ça, mais là, je vais vous lire les résumés des meilleurs épisodes qu'on a trouvés cet après-midi, alors que j'écrivais la chronique. Donc, l'épisode numéro qui date de 68, ça s'appelle « Le poubellisme chez soi ». Alors, ça va comme suit. Goblet, dégoûté par la malpropreté de... par la malpropreté de son camarade, décide de mettre un peu d'ordre. C'est alors que les deux clowns découvrent qu'un homme vit dans la poubelle. Ouais. Ok, wow. Sol se fait poursuivre par tous les chiens du voisinage. Là, vous allez voir, Goblet en a assez. Goblet en a assez. Concentration. Tabarnak, ok. Goblet en a assez de sa malpropreté et lui installe une douche portative. Un an, je pense, dans le prochain épisode. Ça fait comme deux épisodes qui traînent autour du thème de « ça pue ». Ok, un an, je pense. Goblet dégoûté par la par la malpropreté de son camarade, décide de faire un peu de ménage. Il décide de tout jeter à la poubelle et découvre un ange à l'intérieur. Ça ressemble effectivement à l'épisode d'avant. Oui. Après ça, il y a un satané nez, Goblet, dégoûté par la propreté. de son camarade. Gobelin. Engage un rabonneur. Décide de faire le ménage. Gobelin. C'est ça le pire. C'est ça. Ça me fait mourir. En tout cas, on va passer au reste. Non, je t'offrais pas, Ron. Excusez-moi, ça me fait vraiment rire là, qu'ils disent tout le temps ça. OK, donc je vais vous faire le résumé d'un épisode qui s'appelle « Le poubellisme chez soi ». Épisode, donc, on a entendu... Non, jeudi 4 mars, c'est ça qui s'appelle l'épisode. Puis il a été diffusé le 4 mars 1964, mettons. OK, ça, les gobelets déménagent des meubles dans de la fausse neige en styrofoam. Ils chialent contre leur proprio qui se fait griller en Floride et montent dans leur appartement pour organiser une grève pour se débarrasser de la neige. Tu sais, je veux pas vendre le punch, mais ça servira strictement à rien de faire une grève. OK. Par la suite, ça, les gobelets vont se coucher dans le même lit, parce qu'on sait que des clowns, ça dort tout le temps ensemble. Puis surtout, l'autre, il trouve que l'autre, il a des problèmes d'hygiène malsains. Puis, ça le dérange pas. Viens, on va se coller. Donne-moi là ta gamme. Okay, le gobelet, il dit, notre chambre, c'est comme une cabine spatiale au sommet d'une fusée. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Que, parce qu'il reste au 13e étage, c'est ça qu'il faut comprendre. OK. OK, s'ensuit une chicane de couple pour savoir qui va éteindre la lumière. Sol a peur de marcher dans le noir, alors gobelet sort un pistolet et tire sur l'interrupteur. Problème réglé. Hein? Ah oui, il n'y a c'est plus de problème, là. Ça, il n'y a plus aucun problème. Calme, hein? Ah oui, c'est comme un film de Tom Selleck. C'est la même affaire. Hélas, gobelet laisse la fenêtre ouverte pendant une tempête de neige, alors il dorme, puis toi, tu vois des rêves fuckés. Et là, soudainement, gobelet et Sol se réveillent et ils disent... ils se réveillent, finalement. Leur première réaction au réveil, c'est gobelet qui dit... Oh, il y a encore quelqu'un qui a échappé du lait par terre. Là, t'as Sol qui dit, tu veux dire de la crème glacée? Non, c'était de la fausse neige en styrofoam qui était partout dans la chambre. Fait que là, ça, les gobelets décident de tout pelleter ça, de faire des petites allées pis tout. Ça, c'est la cuisine, ça, c'est le salon. Pis là, t'as des indications dans la neige pis tout, c'est vraiment beau. Là, à ce moment-là, le proprio arrive au bloc. Pis là, l'affaire, c'est que là, vu qu'il pelletait pas l'entrée, tous les locataires ont crissé le camp du bloc. Fait que là, ça, les gobelets ont eu une idée de génie. Ils ont vidé une partie de la neige de leur appartement, puis ils en ont fait, dans le fond, un centre de plein air. Fait que là, ils ont mis de la neige partout dans les escaliers, puis là, t'as plein de skieurs qui arrivaient, puis comme, on vient faire du ski, puis là, ils descendaient les marches d'escalier en ski. Puis finalement, ben, tout le monde est content parce que le proprio chargeait les skieurs, puis il s'est fait de l'argent, malgré le fait qu'il a perdu tous ses locataires. Tout le monde est content! Fin de l'épisode 1. Tout le monde gagne! Ça va bien. Ça me semble tout logique et oui. Solidement construit. Ah oui, ça fait plein de sens, cette histoire-là. Épisode numéro 2, je n'ai regardé deux. Je me suis contenté de ça, j'étais plus capable après deux. Ça, les gobelins mangent un repas qui ressemble étrangement à de la salade de choux PFK. Dégoûté par la façon que Sol mange sa salade, gobelet dit « T'es pas un homme, t'es pas mon ami, t'es une poubelle. » Chris de beau compliment. Il est dans buzzkill, gobelet. Ouais, arrête pas de chialer. Il n'y a pas d'allure. Fait que là, gobelet vide le réfrigérateur qui est plein de bouffe par cette date. Là, il voit des vidanges partout. Fait que là, il dit c'est pas possible, un pareil souillon. Un souillon. Ah, oh, c'est un mot de grand-papa, ça. Un mot de grand-papa. Oh, oui. Ça, les gobelets vont au lit parce qu'on sait qu'à trois fois, c'est un running gag. Ils aillent tout le temps au lit, ces deux crackpots-là. Là, ça, il arrive, pis il pong comme des canettes de stock passé date, pis il se met à sniffer ça, genre, pis il dit « Ah oui, c'était bon ce macaroni, pis tout, il capote, là. C'est dégueulasse, c'est passé date depuis 3 mois. » Ok, il garde des restants dans le fridge pour la nostalgie. De ouais, la nostalgie, même si c'est périmé, lui, il sniffe ça, pis il s'en rappelle. Ça commence à être vraiment plusieurs cas pour consulter. Ah, oui. Moi, je pense qu'il aurait dû rentrer un psychologue dans cette émission-là. Je pense que ça a réglé bien des problèmes. En tout cas, whatever, là, Sol, il dit... non, c'est pas vrai. Gobelet, il tue un rat à coups de balai, genre, puis là, il dit à Sol, « Tu n'arrêtes pas de faire des choses dégoûtantes. » Ben oui, Chris, tu viens de tuer un rat avec un balai. Je vais pas croire que c'est pas dégueulasse. Fait que là, OK, Gobelet, il dit, « Ah oui, non, c'est pas ça. » Là, Sol, il a vraiment peur parce que Gobelet le menace de l'exproprier. Fait que là, Sol, il dit, « Je ferai tout ce que... » Non. Non, je ferai tout ce que tu voudras, même prendre mon bain. Là, il y a Gobelet qui est comme, ah oui? Alors la vie sera bonne comme de la confiture. OK. Fait que là, ça, les gobelets décident de tout jeter le bien matériel pour faire du ménage. Fait que là, linge, les jouets, les draps, les meubles, la cuisinière, le décor, tout à la poubelle. Pas de problème. Là, ils se mettent à fantasmer sur la propreté. D'où vient cette douce odeur de rose qui flotte dans l'air? Partout l'harmonie, nous pourrons manger sur le plancher, sur les murs, sur le plafond. Ben oui, le plafond. Ça arrivera jamais. Jamais. Fait que là, il dit, nous vivons dans un monde de fous, blablabla. Là, il y a quelque chose qui arrive qui est assez fucké. Il aille chercher les poubelles dehors, puis il regarde là-dedans, puis il trouve un vieux monsieur dégueulasse qui est comme chauve avec des mains comme de lépreux. Puis là, il sort de la poubelle, puis il dit... Je suis le déchet de la société. En sortant de là, ça a pas d'allure. Fait que là, il referme la porte. Puis... Là, ben là, ce qu'il fait, genre, c'est que là, il décide de sortir. Il voulait nettoyer sa poubelle. Fait que là, il sort le clochard de la poubelle. Puis là, il donne de la salade de choux PFK. Puis là, il trouve ça dégueulasse. Fait que ça finit pas mal de même. Puis là, il s'en aille. Tout le monde est content. Fait que c'était les deux épisodes que j'ai regardés. Finalement, j'étais déçu un peu. Je m'attendais un peu à pire. Mais on va terminer avec ma conclusion. Donc, après vérification... Vas-tu terminer avec ta conclusion? Ouais, ça va finir demain. Non, c'est incroyable, hein? Ouais, il est préparé, ce gars-là. Ah oui. Après vérification, le seul et unique auteur de cette émission-là, c'est Goblet. Il écrivait tout seul. Puis seul faisait absolument rien. À part réaliser un peu, mais c'est tout, tu sais. Fait que là, moi, ça m'a mis à me questionner par rapport au fait, tu sais, nous autres, c'est Sol, tout le monde capote sur Sol, tout le monde se rappelle de Sol, mais personne se rappelle de Goblet, hein? Sol, il y a une bibliothèque à son nom, il ramasse le fame, puis Goblet, lui, se fait oublier, il se fait tasser, c'est un faire-valoir, il sert à rien. Je suis Goblet. Sachez que Sol ne serait que poussière si ce n'était que de la présence époustouflante de Goblet. C'était-tu un tongue twister, ça? Ouais. OK, gars. Puis vous, là, voulez-vous d'un avenir sans Goblet? Non! Moi, je pense pas. Dites-vous que derrière chaque grand homme se trouve un Goblet. C'est dit. C'est merci beaucoup, Simon Portalance. Un gros dossier cette semaine. Ah ouais, j'ai fait de la recherche. Ben oui, de la grosse recherche. J'ai amené des DVD avec de la qualité dessus. Ah ouais, ça griche presque pas. Ouais, c'est ça. Les clowns, hein, c'est quand même un phénomène assez spécial. Moi, je pense que It de Stephen King, Insane Clown Posse, puis La Vie ont fait que c'est pour ça que ça marche plus, les clowns. Non, les clowns passent date. On veut plus en voir, puis... Quand on parle de clowns, c'est tout le temps dans des films d'horreur maintenant, mais avant c'était comme des amis. Ouais. Là, c'est rendu des mascottes épeurantes, comme Alan Smithy. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Simon Portalance, tout le monde. Dans les ateliers de théâtre, il y a des fois un atelier qui s'appelle Trouver son clown. Parce que chaque personne a un clown à l'intérieur de soi qu'il s'agit de révéler par le jeu et l'interprétation. Et voilà. Oui. Puis d'ailleurs, même, il y a eu des clowns dans pas mal toutes les cultures. Là. Il y avait le Nana Bozo pour la majorité des tribus amérindiennes et il était immunisé. Puis il pouvait faire ce qu'il voulait. Un petit peu comme le Joker aussi, le Jester, là, le fou du roi. Ça existait pour vrai. Là. Lui, il pouvait faire ce qu'il voulait et c'était le seul qui allait péter d'en face de qui il voulait. Quel privilège incroyable. Là-dessus, on passe au prochain, Nick. Pas le temps de chercher longtemps. Chercher longtemps. Demander SOS. SOS. Pour quelques heures. Un partenaire par ordinateur. De New Dimension, Stigret, Ginesti, chanson de mort de Jean-Sébastien Calis. Amour programmé, oui. Chanson de 1983 du Québec qui parle de cybersex et de online dating avant même que ça existe. On va lui donner le crédit. Ah, ben voilà. Ben, toutes les bandes en 83, ça a l'air qu'ils trippaient là-dessus. Esti, ça fait 4 fois Esti qu'ils en ramènent avec du cybersex puis de l'online dating de 83. Écoute, dans le temps, Tinder, c'était au téléphone. Puis parle-la mal. Ouais. Ouais. Ah, êtes-vous de bonne humeur, Sti, la gang du brouhaha? Êtes-vous en forme? Ah, ouais, on a notre belle gang de Mongols habituels. Yes! Ben oui. Comment ça va, capitaine? Ah, ben moi, ça va correct, là. Ouais, comment ça va, chef? Mais. Salut, champion! Salut! Salut, championne! Ça va? Salut, matelot! Yeah! Salut, toi! Yeah! Salut, chose! Salut, à Gerda, à capitaine! Il est là, lui, Steve Fred. Chris Legrand. Lui, c'est un grand insignifiant, Steve. Allons donc, Chris. Toi, là, je t'aime pas en face, Steve, parce que t'as osé te moquer de Michel Bergeron, Steve, puis Patrice Brisebois, le grand. Ouais, Steve, si on peut se moquer du monde en même, allons donc, ça n'a pas de Chris de bon sens, le grand. Ben... Non, allons donc. Hey, ça n'a pas de classe, c'est évident, on se moque pas des handicapés. Tu l'as fait, ouais. Et... Fait que là, ben, je suis VJ ce soir, hein, pour votre plus grand plaisir, esti. Puis certainement le mien, parce que là, je suis content. Hey, moi, je suis en vedette, esti. Yes, ça le grand. Chris. Ça fait longtemps que t'as pas vu ton nom sur une affiche. Ah non, esti. Hey, ça fait depuis mon hit de 1987. Hungry Eyes de Dirty Dancing. Oui, je peux vous mettre en contact avec des grands producteurs, hein? Moi, je suis Eric Carmen. Ici is in the house, esti, the tall one. Et voilà. J'ai pas tout à fait compris. Let's go! Amène-nous dans bon, ta chronique. Fait que, si j'ai fait, j'ai décidé de continuer ma chronique sur What Your Poo is Telling You, hein? Qu'est-ce que ta marde te dit? Un tas d'informations sur ta santé. Un tas, ouais. Chris, certain de grand, moi, je ne me forcerais pas venir faire une chronique suite. Allons donc, Chris. Let's go. Hein? Bon, fait que la numéro 3, la crotte numéro 3, c'est la Rambo ou la O.O. ou le sundae au chocolat avec de la sauce aux fraises ou la crotte napolitaine. Ça n'a pas l'air positif. Non, c'est peut-être séropositif, peut-être. Ouais. dans des rares occasions, il se peut que vous voyez du sang. Et malgré le ton du livre et le titre de la crotte, ce n'est pas à prendre à la légère. Ça pourrait représenter de sérieux problèmes de santé. Consultez et... ouais, c'est ça, vous devriez consulter. Possiblement. Ça peut être simplement des hémorroïdes ou une diverticulose. Je vais pas trop chercher, je m'en colissais un petit peu. Oh oui. une malformation artério-veineuse ou le cancer du côlon. Et voilà. Ouais. Donc, s'il y a du sang dans nos selles, on agit. Rambo, lui, agit, puis c'est ça. Faut Let's faire go. Attention. On passe au prochain. Numéro 2, la crotte Green Goblin, style grain. Ou la marde aux algues. Elle est heureusement rare. Il s'agit d'une explosion de diarrhée nauséabonde qui est caractérisée par sa teinte verte foncée qui donne l'impression de regarder à travers des lunettes de vision nocturne. C'est dans le livre, ça, là. Oui. Ce qui la distingue des autres crottes vertes est son aspect liquide, la fièvre et la douleur abdominale. C'est dû au Clostridium difficile, une bactérie présente en trop grand nombre. Lorsque l'utilisation des antibiotiques rentre en contact avec ça, ça dérange la balance. Puis souvent, après des abcès d'une dent, des infections des sinus, ou même on pourrait dire, en tout cas c'est ça, tout ce qui a un rapport aux antibiotiques, tu vas avoir un combat et ça va sortir en crotte Green Goblin. Il y a des bonnes chances. Et voilà, c'est dit. Ça, c'est un coup de confondre, à ne pas confondre avec les chiasses vertes des années 80, hein, je précise, des années 80, qui venaient avec les blueberries, les céréales blueberries et les Smurf Crunch Berry Cereals, quelque chose du genre. Ben il y avait ouais, un colorant dedans, puis ça faisait des crottes bleues. Ça faisait la magie, oui. Ouais. Ouais. Bon, ben, il nous en reste juste une. Ben ouais. See you. La crotte en braille. Oui, vous m'avez bien entendu. En braille. En braille. La ONR. Okay. Ou le porc épic ou la route bosselée. Ah, tout le chinois, je suis sûr que ça fait bien mal. C'est tellement fif, le grain. Va chier, toi, avec ouais. l'engrais. Bien que tous les excréments passent par la même route, les excrétions peuvent avoir des textures vraiment différentes. Certaines sont douces, comme de la soie, mais d'autres prennent une apparence avec des bosses et des angles. La braille peut être identifiée par sa texture abrasive et inégale. C'est dû à un ralentissement de la digestion et les débris de repas différents se mélangent ensemble, à la différence de la déjà poux, qui, elle, est c'est la crotte qui est déjà... le lunch de la veille. C'est ça, ouais. Elle, c'est la veille, puis peut-être l'avant-veille, puis plus tard dans la soirée. Fait que okay. là, ça passe tout croche un peu, là. Ça doit pas trop achaler les homosexuels, par exemple. OK, fait que c'est ça. Fait que on va terminer ça là-dessus. Moi, à soir, je suis VJ. Attendez-vous à des affaires assez spectaculaires, assez dégueulasses, assez drôles. Ça va faire mal. Attelez-vous. Checkez vos flûtes. Et voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Eric Carman, tout le monde. Oui. Allons donc, hein? Allons donc. Allons donc. On a vraiment grandi. Là-dessus, ben, c'est la moitié du show déjà. Ce qui veut dire qu'on va prendre un petit 5 minutes de pause. Notre VJ technicien Nick va partir une chanson. Et sur ça, j'aimerais que vous applaudissiez Chinook qui est dans la maison. Chinook is in the house. Viens là, Chinook. Chinook est le seul danseur radiophonique au monde et qui va performer pour vous pendant cette petite pause. Voilà, merci, à tantôt. Ah ouais, mon Chinook. Bust it. Trying to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get, females get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scantily clad, showing body. A chick walks by, you wish you could sex her, but you're standing on the wall like you was Poindexter. Music comes on, people start to groove. So come on, fatso, and bust a move. You want it, you got it. If you want it, break it down for me, fellas. Your best friend Harry has a brother Larry. In 5 days from now he's gonna marry. He's hoping you can make it there if you can, cause he hired Richard Cheese to be the band. Seriously, we do weddings. You say neato, check your libido, and roll to the church in your tiger striped tuxedo. A girl runs up with something to prove. Now you know what to do. Positions. I'll paint the wallpaper pattern onto your naked skin. lips on my lips. I clip some chips to your hips. I nibble chips off your hips and watch the moon eclipse. I'll go outside and get some leaves and pretend to be a tree. You can be a squirrel and store my nuts for me. I told you I was freaking. Snakeskin, now I'm in your kitchen making love to your cake tin. Oh no, is this the one you're baking? I told you I was freaky, did you think I was faking? At 8 p.m. I sell my underpants on eBay. At half past nine I hold a seance in your hallway. At 10 o'clock I ask some ghosts for a three-way. Yes, it's creepy, I told you I was freaky. Retourne à 70% dans... dès qu'ils reviennent, là. Moi aussi. On est tous là, oui, voilà. Ben, en fait, les personnes importantes sont là. On attend nos invités qui sont pas trop loin non plus. Les invités qui ne sont pas des personnes importantes, bien sûr. Ben non, ben on l'est. Je pense qu'à ce moment-ci, tu peux peut-être partir le prochain chroniqueur. Ça va être sûrement notre excellent Jonathan Simon. Ouais, ou ben je peux vous raconter une histoire pendant que je reload le VLC. Ok, fais ça, oui, raconte-nous une histoire. Tu sais, c'est une fois un gars qui voulait rentrer comme dans une porte. Puis là, ben il a ouvert la porte. Puis tout s'est passé super bien. Puis il a fait ses affaires. Puis il a balancé ses comptes. Nicolas Davion, mesdames et messieurs. Hey, c'était gaulé. Et son histoire. Ah, bonjour, Tommy. Hey, salut, Jonathan. Bonjour, Bruno. Bon, hey, salut, Jonathan. Voilà. Donc, on est courant. Oui. Donc, aujourd'hui, suite au quiz que j'avais fait l'année passée, je vous ai montré un autre petit quiz. OK. Un petit peu plus court cette fois-là, puis j'ai rajouté des biographies de personnages, des personnages publicitaires québécois. Comme Snuggy est rendu où, genre? Ouais, c'est okay. Ça, où est-ce qu'ils sont rendus, ces personnages-là? OK. Donc, je vais commencer tout de suite, donc... J'espère que Gratteux, il est mort. Oui, je pense que Gratteux, il est... j'en parle un peu, mais en tout cas... let's go. Donc... première devinette, c'était l'animal domestique de Ghislain Tremblay dans les pubs d'Ultramar. Un gros tigre. Bon, c'était... OK. En fait, on cherche un char, mais cherche le nom du char. Charo. Tancred. Charasse? C'est le nom... C'est l'ami de... Bumbo? Ça commence... En fait, c'est... Un gros tigre. En fait, le nom, c'était Cocotte. Okay. Cocotte, qui était le char, un char qui roulait tout seul, pas de conducteur et qui avait des comportements d'animaux domestiques. Malheureusement, ça s'est mal fini. En fait, le contrat d'Ultramar avec Cocotte s'est terminé quand elle s'est fait pogner dans un Petro-Canada en arrière avec toutes les portes ouvertes, le capot ouvert, avec deux ou trois voitures de location. Donc, on parle aussi d'aventures avec Bumbo et de photos cochonnes dans le guide de l'auto. Ah ouais, on y croit. Photo cochonne dans Auto Hebdo. Ouais. Tu sais, s'il y a un gars qui est capable de sortir avec un char, tout est possible. Ouais. Ça, il y a l'image, là. Le gars, il se penche pour... l'avez-vous vu, le gars qui fait l'amour à une voiture? C'est, en tout cas, ouais, c'est le fun. C'est exactement ça. c'est ça, l'image que t'as dans ta tête, là. C'est ça. C'est ça. Comme le dirait François Pérusse, c'est pas de ma faute si votre Excel, votre Hyundai Excel plus que vous. Et voilà. Let's go, prochaine. Oui. Son pouvoir magique était de réparer les pare-brises. Ah, c'est Duromax. Duromax, le point va à Bruno. Oui. Oui, Duromax, rien de très intéressant. Mais après son divorce avec Durobel, on se rappelle de Durobel, ça n'a pas tout fait longtemps. Parce il y avait que... même Durochien aussi. Durochien, ah oui, c'est ça. Ouais, il y avait, ouais, non, c'est une belle grosse famille de Duro. Après son divorce avec Durobel, il y a eu des problèmes d'argent. C'est tout, c'est plate de même. C'est juste que je trouvais ça ironique. Genre, le gars, il répare des pare-brises, puis il finit cassé. Oh! Okay. Que snapre! prochaine devinette. Leur mission était de protéger les secrets de la bière contre les méchants. Les frères bleus. Les frères bleus, merci. Très oui. Crédible. Ça, c'était une idée donc, originale, ça. Là, en fait, je vais vous donner la biographie des personnages et non la biographie des comédiens. D'ailleurs, je me rappelle plus c'est qui jouait ces personnages-là. John Belushi. John Belushi, ok, c'est ça. Un ouais. Gros Dan Aykroyd. En fait, ils ont subi beaucoup, beaucoup de chirurgie plastique puis sont devenus Dominique et Martin. Ah, tout ça, ah. C'est un grand score. C'est bon. C'est pas, pas plus compliqué que ça. c'était la mascotte d'un magasin à rayons disparus. Zeddy, oui. Zeddy, malheureusement, est décédé. Oh. Donc, ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a signé, quand Zellers a fermé, il a signé avec Target, puis ils ont changé son chandail marqué Zeddy par un gros chandail avec une cible. Mais malheureusement, en conférence de presse, il y avait un gars avec un arbalète. Et voilà. Oh. Donc, c'est triste anyway, comme ça. Le gars, il a peut-être sauvé des vies. Là. C'est rendu un ours adulte, Zeddy, à un moment donné. Ouais, disons que c'est pas un... pas trop le confier à des... Faut pas trop que confier des enfants à cet ours-là. Et voilà. Comme... confier des enfants à quel ours, déjà? À idée claire. Tu sais, les mascottes, des fois, là... Des fois, c'est pas pour rien qu'ils sont cachés dans 6 pouces de mousse pis de tissu, ces affaires-là. Son principal pouvoir magique était de remettre son bras. Ben, Astar le robot. Astar le robot des amputés de guerre. Hey, pauvre vous autres, ça vous dit rien, pas en tout. Hein. Ouais, c'est tout de la pollution publicitaire nord-américaine, là. En tout cas, on est là, on guette ça pour vous autres, c'est bon. Mais tu sais, comme, Astar le robot, il avait ses bons côtés, comme, il apprenait aux enfants à être prudents, mais je trouvais un petit peu qu'il se vantait, comme, devant les enfants qui avaient déjà perdu des bras, tu sais, « Je peux remettre mon bras et pas toi! » C'est vrai. C'est un peu, ouais. Tu sais, je... Puis à la fin, il dit « Joue prudemment », c'est comme « Viens pas m'écœurer » aussi. C'est un peu ça. Ouais. Je veux pas qu'il enlève son bras et qu'il donne une snap avec son bras. Là, tranquille. Non, c'est ça. En fait, ce que Astar le robot est devenu, c'est qu'il est tombé sur un gars qui faisait semblant d'être son ami. Puis finalement, c'était un voleur de diamants. Puis il a mangé une volée d'une ruelle. Ah non, c'était le robot dans Cœur Circuit. Ouais, ça. C'est ça. Ouais. Ouais, trompe de robot là. Il ouais, se faisait payer du McDonald's aussi là. Ouais, du McDonald's, mais ouais. Ouais, il est au meilleur. En tout cas, on s'en colle. Dans Cœur Circuit 2. Exact, oui. Dans Cœur Circuit 2, ouais. C'est ouais, deux c'est films. Dans de le 1, il y avait ouais. des trucs d'armée, puis ouais, des explosions. Ouais, c'était l'armée, puis dans le 2, dans le c'est deux, c'était les bombes de, ouais. Dans la rue. Ouais. C'est ça. Comme dans Chappie. Ouais. Ah, donc, j'ai pas vu ça encore. Ouais, c'est comme du Cœur Circuit 2, ouais. Okay. Mais avec de la violence à la fin. Ben, il y en a plein dans Cœur Circuit 2. Il faut qu'il se balance après la grue là, pour aller pogner. Puis il s'habille en punk. Là, ouais, dans il le déchire montage. Un gars en deux ouais, à la ouais. Fin dans Chappie. Fait que, ah, ok, non, ouais, ça gagne. Ça gagne. Prochaine devinette. J'ai pas vraiment de biographie pour celle-là, mais il a travaillé avec Karl Marotte, Michel Forgette et le Père Noël. Gratteux. Ben oui, c'est gratteux. Ouais, Nounou, ça range. c'est pas loin. Je aussi. L'aime pas, gratteux. Nounou! Fait qu'il est mort? En fait, on sait pas trop ce qui s'est passé. Puis moi, j'espérerais à un moment donné qu'il revienne, mais je pense pas qu'ils vont le faire revenir. Jamais. C'est un personnage... Non, pas non, il est personne n'espère ça. Je sais pas de quoi tu parles. OK, fait qu'on passe à la prochaine. Ben, en fait, c'est pas mal terminé pour les devinettes de trucs, de personnages commerciaux. Puis tu sais, il faut se rappeler que les personnages commerciaux ont toute leur vie, puis ont tous leurs problèmes. C'est comme les vedettes d'Hollywood. Il faut penser que Monsieur Midi Weed, il est bipolaire, que Monsieur Net a clairement un toc, puis que les petits nounours, c'est peau de beurre de peanut. Ben, ils ont plusieurs morts, sa conscience. C'est vrai. Donc, merci beaucoup. Ah ben, merci beaucoup à Jonathan Simon. Ouais, bon travail. Un tigre. Moi, Astor le robot, je pense que avant même que je comprenne le concept d'inquiétante étrangeté, m'a saucé dedans vraiment. Cette publicité-là me faisait peur. J'ai fait des cauchemars de Astor le robot. J'avoue que c'était assez creepy. Puis la première, bien entendu. Oui, oui, la première. Deuxième. Puis c'était la voix aussi qui était bien importante, je pense. Oui, puis ça me faisait penser au Extro, là, le film d'extraterrestre. Ah, man, c'est bon, ce film-là. Oui, c'est pas pire. Mais parlant de Unheimlich, l'inquiétante étrangeté, ce qui veut dire étrangement familier ou chez soi et à la fois pas chez soi. Oui, c'est ça. Donc, l'idée qu'on l'a déjà vu avant, mais que ça nous rappelle quelque chose. Ouh. Oui. Comme rentrer chez vous puis te rendre compte que tout a été remplacé par une copie exacte. Ah ouais. Hey, let's go, Nick, on passe au prochain. Yeah! C'est plus qu'on se rapproche de la Coupe Stanley, plus que c'est cheap. Hein? Ouais, voilà, ah, on a compris le concept. Merci à Sarah Paquette en passant pour le thème. Elle m'a envoyé ça cette semaine. C'est donc bien actif, c'est ça. Ben oui, sûrement qu'elle se disait que j'allais pas utiliser ça, mais non. Donc, cette semaine, hein, j'avais une super bonne idée, mais bon. Ça va être la semaine prochaine. Alors, fidèle au concept de l'émission, hein, j'ai encore donné mon 70%. Fait que c'est ça, hein, j'ai encore préparé ma chronique de cette semaine en une demi-heure, dans le boss en m'en venant, puis sur le coin de la table. Là, et voilà, c'est donc, dit. Oui, voilà. Merci c'est là à que, la table. Ben oui, c'est là que je me suis rendu compte d'une chose, Tommy. Hein, faire des top 10, hein, ça demandait pas trop d'efforts. Puis... Puis, hein, qu'il n'y avait pas juste Patrice Brisebois dans la vie. Fait que, hein, je me suis dit, hein, suite à un top 10 Patrice Brisebois la semaine passée, ben, je me suis dit que pourquoi ne pas faire un top 10 Michel Bergeron? Et voilà. Ah, hein? Et voilà. Voilà. Et, hein, j'avais tellement. Attends un petit peu, Fred, si tu me permets, je te reviens. Michel Bergeron, là, c'est un ancien entraîneur d'une équipe de hockey de Québec. Et maintenant, il continue à nous empoisonner l'existence en s'habillant en veston-cravate sérieux et en faisant comme si son opinion était importante à la télévision tard le soir. Vous allez voir, la qualité du français est impeccable. Exactement. Donc, oui, je me suis aussi rendu compte d'une chose, hein, j'avais beaucoup de matériel. Donc, top 20, Michel Bergeron! Holy shit! Le shark est jumpé! Voilà. Alors, au numéro 20, hein, arrivé avec une bombe dans le vestiaire, waouh, on n'est pas encore perdu. C'est ça? En 19, le scénario était parfait. La foule qui était déchaînée, Ginette qui chante. En 18, les sénateurs sont sortis comme ils devaient sortir. C'est ça? Hein? 17, c'est plus qu'une défaite physique, c'est une défaite mentale. Ouais, on est dans cet état-là. En 16, c'est là qu'on voit les athlètes, l'adrénaline, l'émotion. Hein? C'est dans beau, les séries éliminatoires. C'est comme une carte à donner. Genre. Voilà. Vous pouvez vous inspirer si jamais vous avez des cartes à faire. 15, on les a tous entendus, les clichés, depuis 48 heures. Hein? Et on se souviendra que c'était tout eux qui les avaient faites. C'est, ouais. Donc, voilà. Quand tu parles pendant 8 heures par jour de 1 heure d'affaires à un moment donné. T'en dis pas mal. On est rendu à 14. On reviendra pas sur le pourquoi de tout ça, là. Non? Non. En 13, c'est 2-2-2-2 dardage. Oui, ça, il parle comme ça des fois. Ça, je te dis, c'est l'infarctus qui parlait, là. Ben oui, je sais. En 12, on s'attend à ce que les Prost ont dit « Wow! » Il n'y a pas d'autre chose, je m'excuse. Il n'y a pas de sens. Si vous êtes venu ici pour chercher de chance, Michel, il ne donne pas de chance. C'était quoi ça? Ouais, c'est bizarre, ça. En 11, en même temps, le deuxième tir des sénateurs a donné confiance aux sénateurs. Oui, le deuxième tir. Donc, en 10, entrons dans le vif du sujet. Hein, donc, là, ça s'en vient mieux ou pire, c'est selon. Les meilleurs sont les meilleurs. Et le dérivé du pareil est au même. Hein. Et tu sais, quand on dit qu'il faut que tes meilleurs soient les meilleurs que leurs meilleurs. Quand on dit ça, on dit ça souvent. Hein? Oui. En 9, habituellement, un entraîneur qui gagne dit les bonnes choses. Oui, dit les choses. Quoi? Quoi? Numéro 8. Je vais sortir une expression qui est pas trop française, là. Il faut le fabriquer, le but. C'est ça? Ça, c'est pas trop français. C'est pas trop français, non. Le mot fabriquer, non. Pour une fois, tu utilises un vrai mot, par contre. Ouais. Oui, effectivement, il s'était forcé sur celle-là, ça paraissait. En 7, hey Bob, I love you, Bob. C'est beau, mon Bob. J'espère que dans ton beau divan bleu marin, que tu t'oublieras jamais. Ouais! En 6, on commence à douter et quand tu doutes, la rondelle devient presque une patate chaude. La patate chaude. Ah oui, hein. En 5, tu l'as dit, il veut être le héros, il veut être l'Oreo. Oui, les citations culinaires. Citations culinaires. Numéro 4, ce matin-là, Cameron n'a pas pris la décision d'envoyer Anderson en mangeant ses cornflakes. C'est cornflakes. Non, non, c'est pas comme ça que les entraîneurs prennent les décisions. Non. On apprend tous les jours. Ça devient plus clair. Oui. En numéro 3... Le jeune entraîneur n'avait d'autre choix que de répondre à la réponse ou à la question de son directeur général, Brian Murray. Donc, voilà, c'est ça. Numéro 2. À ce moment-là, les arbitres dans leur carnet bleu et ceux qui sont à l'écoute, le hockey est un jeu viril. Oui, c'est ça. Et j'ai gardé la meilleure pour la fin. Hein, déjà, c'était une phrase, ça. Hein? C'était une phrase. OK, c'est bon. Ou trois. Je sais pas. Il n'y avait pas de ponctuation, par contre. Les séries éliminatoires, c'est comme les rapports d'impôts et les cadeaux de Noël. On attend toujours à la dernière minute. C'est ça. C'est ça. Ben, fait que... La semaine prochaine, ça va être mieux. Je suis désolé. Merci beaucoup, Fred Fournier. Ah, ça, apprécie. Des fans de hockey, vous deux, là-bas? Elle sait pas ce que c'est, en fait. C'est pas c'est quoi, le hockey? Ah, n'importe quoi. Non, mais tu sais quoi, le hockey, quand même? T'as déjà regardé les Olympiques? La vérité, c'est que j'ai toujours eu des patins de hockey sur mes pieds. OK. Mais qu'en fait, je voulais faire du patinage artistique, mais ma mère, elle m'a acheté des patins de hockey. Voilà. Colin, il y a comme un... T'as-tu réglé ça avec elle? J'ai aimé ça, j'ai aimé ça, beaucoup. Le hockey... Mais le problème, c'est qu'en France, on tourne sur une patinoire comme ça. Moi, j'ai envie de venir l'hiver pour aller me promener, quoi. Ouais. Ouais, si c'est possible, je sais pas. Je te le souhaite. Ouais, il y a des places que tu peux faire, ça. Le territoire est sans limite. En fait, tout est gelé hein, en hiver ici. Là, c'est toute la glace. C'est un long plateau de glace. C'est comme une espèce de stationnement de glace. Si tu habites en Basseville, tu peux pas aller dans ta maison. Là. C'est une patinoire. Oh, il dit des ordres. Il sort le jet d'eau et puis il fait la patinoire dans le jardin, c'est ça? Oui, exactement. ça existe, ça, par contre. Ah ben d'ailleurs, on arrive presque à la fin. Le prochain, il va peut-être vous surprendre un petit peu. Roulez avec. N'hésitez pas à être heureux. Let's go, Nick. Prochain. Fauché! Mesdames et messieurs, Charas de Meur! Comment ça se passe, mon gars? T'es tout seul à soir? D'habitude, ben, la dernière fois qu'on s'est vu, t'étais avec ton amoureuse. Ah, tu veux parler de la chienne à côte là, que j'avais apportée? C'était avec une laisse puis un sac sur la tête? Ouais, puis un trou pour la bouche. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'un soir, je suis revenu, puis j'ai mal fermé la porte, puis elle s'est sauvée. Fait que j'ai pas de nouvelles d'elle depuis, mais tu sais, la prochaine fois qu'il y en a une, ben, tu sais, je vais m'assurer de bien barrer la porte. Et voilà, c'est dit. C'est peut-être un message, hein, pour que les gens apprennent de tes erreurs à toi. Tu es venu nous parler de quoi, à soir? Je suis venu vous parler d'une découverte que j'ai faite très dernièrement. En fait, je sais pas s'il y en a du monde qui connaît ça parmi vous autres. Là, c'est sur l'ordinateur, là. C'est comme un programme, là, puis le monde se parle là-dessus. Il y a une grosse stripe bleue, là, dans le haut, là. Ouais, Facebook, je pense que tu veux dire. Comment tu dis ça, toi? Facebook. Twitter Face. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, ça sonne ça, Facebook, ouais. Ouais. Ça, là, Facebook, en tout cas, ça, c'est le programme que j'ai trouvé où que le monde se fiffe entre eux autres, là. Ils se fiffent des commentaires, à liker des commentaires de telle personne s'est mis en couple avec telle personne. Fait que là, t'as comme des petits commentaires de cave, là. Ah, oh, je suis tellement contente pour vous deux. Vous faites tellement un beau couple. Puis t'en as 50 de même, là, puis ils disent toute la même affaire, puis t'en as 50 par jour. Pis souvent aussi, ces personnes-là, deux semaines après, ben, ils sont plus en couple, pis là, « Ah, c'était rien qu'un esti de con! Il te méritait pas! Tu vas en trouver un ben meilleur que ça! Je t'aime! Je comprends ta peine! » Toutes des estis de commentaires de marde de même, là, qui me puent au nez. Il y en a d'autres aussi. T'as les petits couples là, sérieux depuis longtemps ensemble, là, qui ont commencé à avoir des enfants. Ça, c'est encore pire, ça. Là, ils sont là, là. Moi et mon conjoint, nous vous annonçons que nous allons avoir notre deuxième enfant. On t'aime déjà, Caroline. Comment tu peux l'aimer, Carlis, tu sais, qu'une petite crevette dans ta crise d'utérus, sacrement? Ça va te être la pire petite salope de la terre. Mais elle l'aime déjà. Et s'ensuit des mêmes petits commentaires épais. « Je suis tellement contente pour vous deux. Vous allez voir, vous allez faire une belle petite famille. » Moi, Facebook, j'utilise ça pour la vraie raison. La seule et unique raison, c'est-à-dire rapprocher l'humanité de chaque jour de plus en plus près de son autodestruction. Hey, c'est ma chronique, ça. Oui, ben écoute, tu vas pouvoir le recruter. Là, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous autres là, qui me connaissent un peu, là, tu sais, ah, c'est charras, il joue dans le mur, tu sais, c'est agressif un peu, tu sais, puis. Mais vous me connaissez pas vraiment personnellement, hein. Là, il y a du monde qui m'ont déjà connu personnellement. Je parle au passé parce que je ne parle plus à ces petites crises de cave-là. Ils ont déjà dit de moi, écoutez bien ça, moi, j'arrive même pas à le croire moi-même, puis je suis sûr que ça va être pareil pour vous autres, que j'étais quelqu'un de colérique. Oh! C'est parce que t'es sensible. C'est de la crise de merde en esti. Je suis pas colérique. C'est le monde qui sont cave à tous les jours, esti, qui arrête pas de me chercher, puis de m'agresser, puis de me faire chier tout le temps. Encore, puis encore, puis encore, puis encore. Ça arrête pas, esti. Fait que moi, je réagis. Me pousser à bout. Ça a toujours été de même. Pis j'ai bien peur que ça va toujours l'être. Fait que moi, au lieu de me décrire comme étant quelqu'un de colérique, je préfère y aller avec un qualificatif plus élogieux pour moi. C'est-à-dire narcissique, égoïste, mégalomane, frustré de la vie. Ça, c'est pas mal mieux, ça. C'est pas mal plus respectueux pour ma personne. Pour en revenir à mon utilisation responsable de Facebook. Normalement, ça se passe comme ça. Je m'installe devant mon ordinateur. J'installe ma caisse de 24 à côté de moi. De la bière la plus cheap et la plus forte que je peux trouver. Puis là, ben, je commence à descendre nos deux bières. Je regarde les pauses du monde. Je laisse ça mijoter. J'interviens pas tout de suite, là. Je laisse le temps à l'alcool de faire effet un peu dans mon cerveau. T'sais. Là, après ça, ben, j'ouvre un autre onglet, puis là, je m'en vais sur Pornhub. Puis là, je me cherche des vidéos de cul, là, de point of view avec des filles aux grosses boules qui se font faire des cross-tetons aussi, puis venir d'en face comme des grandes. J'ai pas de misère à en trouver, mais c'est parce que là, il faudrait que Pornhub en fasse des nouveaux, ben, je les ai toutes vues. Fait que là, je descends une ou deux bières pendant que je me crosse, puis après ce premier crossage-là, je retourne sur Facebook, mais là, je commence à varger, là. Là, je vois des commentaires, là, des petites crises d'agaspissettes de calice là, qui se font aller à gueule en disant « Ah, oh, regardez, j'ai une belle craque de poule. Qui c'est qui voudrait venir changer mon ampoule qui brûlait chez nous? Change-la tout seul, ta calice d'ampoule, la petite chienne! Tu penses qu'on va tout faire pour toi, salope? » Il y a de l'amour sur le stage. Là, ensuite, ben, je vois rire du monde qui, tu sais, qui pose des niaiseries, là, comme « Si tu dois trouver l'homme ou la femme de ta vie, clique j'aime et partage. » Oui! Des hosties de réflexion, de pensée positive, de tapette de fif. Là, je commande ça, puis je crie « Ha! Gay! » J'y vais de mes propres posts aussi. Comme des fois, je pense à du monde qui m'ont fait chier dans vie. Puis ben là, tu sais, je me dis que je souhaite que je veux les enculer toute la gang, tu sais. Mais quand c'est des hommes, ben, je veux pas les enculer, donc je dis que je vais enculer leurs femmes, leurs blondes, tu sais. Fait que ça me fait du bien. Puis là, ben, il s'ensuit des commentaires, tu sais. Des paix, puis des paix frustrés, comme de quoi que je devrais pas écrire ça. Mais bon, je les encule toutes, eux autres aussi. Bon, Sabristi, mon gars. Puis là, ben, comme ça fait déjà plusieurs posts que je regarde, puis que je commande, puis que j'écris, ben là, tu sais, ça pique que surtout, ça fait déjà quelques minutes que j'ai pas éjaculé du sperme. Fait que là, je t'en manque en tabarnak. Fait que là, moi, je veux partager cet état d'âme-là avec le monde entier. Fait que je m'en vais écrire sur Facebook. Je m'en vais me crosser live, drette là! Là, moi, je suis pas niaiseux, je sais ce qui va se passer, tu sais. J'ai pas filmé ma queue en train d'éjaculer pendant que je me crosse pis mettre ça là-dessus, là. J'ai juste écrit un texte. Pis là, ben, ça a l'air que, tu sais, ben, j'ai quand même du bon monde dans mes amis Facebook. Il y a du monde qui apprécie mon côté de remettre à l'ordre, là, tu sais, là, la petite mentalité de guide conformiste de marde. Pis moi, mais pour ce faire, ben c'est ça, je suis incendiaire. Mais il y a du monde qui aime pas ça, mais surtout hypocritement, parce que ce statut-là a été reporté. J'ai eu un message Facebook me disant qu'il analysait mon post et prendre une décision si j'allais être bloqué pour 3 jours ou peu importe la fifeur qu'il allait décider de faire. Chris, hein? Ça se peut-tu? Moi, je suis d'accord avec toi, Nasty de Grand, man. Je t'écoute depuis tantôt, là. Chris, que man. Toi, t'es dans ma clique, toi, man. Chris. J'ai bien apprécié ton intervention de tantôt aussi. Toi et moi, on est du même sang. Ouch. Vous êtes des purs. On appelle ça consanguin. Toi, va chier! En Abitibi, hein? Fait que, ben, c'est ça, Facebook, ce qu'a décidé de faire, c'est qu'après longue analyse, a trouvé que j'avais contrevenu à aucun règlement et que mon post était très correct. Et pour ça, ben, il y a 2 raisons. C'est parce que oui, premièrement, je contrevenais à aucune raison. Puis deuxièmement, le gars qui fait Facebook, son groupe préféré, c'est Meux. Fait que Chris, moi là, je peux bien mettre une photo de ma graine en train d'éjaculer partout, esti, puis ça va passer, calice. Fait que fermez vos gueules. Puis de toute façon, la personne qui a posté, qui a reporté le post, ben, je sais c'est qui, parce que moi, je suis la seule personne dans le monde qui a l'option savoir qui reporte tes posts. Fait que à toutes les personnes qui aiment pas ce que j'écrive, qui aiment pas ce que je dis, ben décolle ici de mon Facebook, esti. Puis si vous entendez pas ce que je dis ici t'asseoir, décolle ici d'ici aussi. Ouais, non, vous pouvez rester aussi. Oh, il finit bientôt. Il finit décolle bientôt. Ici pendant que je parle, puis vous en reviendrez après. ça se fait, ça se fait. Fait que. Puis ah, c'est ça, fait que là, c'était un genre de fif de même. Mais alors, retourne écouter tes hosties de vidéos de chat, ouais. De paix dans le monde, puis de justice et puis égalité sociale qui arrivera jamais de la vie! Surtout pas, mais que je prenne le pouvoir! Parce que ce jour-là, l'humanité va enfin connaître c'est quoi la vraie tyrannie! Hein? Vous pensez que Staline puis Hitler, là, ça a été des gros méchants dans le monde? C'est rien à ce qui s'en vient, mais que moi, j'arrive au pouvoir! Fait que... Je vous envoie chier toute ça la gang. J'envoie chier tout le monde qui nous écoute à radio. J'envoie chier la France. Ah, oh, il pense à vous. C'est fin. Le pire, c'est que j'ai déjà été une fois en France aussi, puis ça m'a fait chier. Fait que c'est tout ce que j'avais à dire. Décalissez de mon Facebook si vous m'aimez pas, parce que moi non plus, je vous aime pas. Et voilà. Jaurès, mesdames, messieurs! Pointe-les, pointe-nous! Sapristi. Sacré aventure. Puis, moi, j'ai eu de la misère, en tout cas, à le prendre au sérieux tout le long parce que son texte était écrit dans un cahier Canada. Ben, il s'inspire, hein, veut pas. Sinon, ben, comment ça se passe, votre 70%? Ça se passe bien. Ouais. Oh, moi, je suis en pleine immersion, pleine découverte. Et voilà, ils sont assez tranquilles. Je dois comprendre à peu près 70% des trucs. En fait, on est rendu au dernier chroniqueur. Donc, peut-être commencer à vous lever puis aller vous préparer pour jouer de la musique tantôt. Comme ça, on va juste faire « C'est à votre tour ». En attendant, Nick, go pour le dernier. Son cours avec toi, je crois, le petit tune de Patrice Michaud. Tu disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris. Ouais, on... Il me semble que ça reste dans la tête. C'est pas, ça c'est pas... reste dans la tête, cette chanson-là. Ouais, ouais, ouais. Sauve-toi très... pas. Non, sauve-toi pas. Ramène mon chat avant de partir. J'aurais jamais dû te désirer. Là. Salut Mathieu. Hey, salut Tommy. Je te dis. Salut Bruno. Hey, ça, salut c'est Mathieu. Toi, c'est toi. Salut. Oui. Moi, faire des chroniques, c'est ce que je préfère dans ma semaine. Fait que... On sait pas c'est quoi la réaction pour qu'on aille, Mathieu. Bonjour, groupe. J'espère que vous êtes en forme. Écoute-moi, cette semaine, Tommy, c'était le lieu commun à son paroxysme. Tu sais, t'es allongé, ordinateur allumé, une page Facebook, Netflix. Levez la main. À son paroxysme, quand soudain, j'ai senti quelque chose qui me marchait dessus, c'était un élément déclencheur. Voilà. Et je n'ai pas mes règles. C'était une araignée qui me courait sur le bras et... Disons que ce fut toute une surprise. Mon corps sursauta d'entièreté et je me retrouvai debout dans mon lit, nu, seul, contre la bête. Et au même moment, Facebook me pop un message. Bloop, tu sais. Et ça se passe vite, là. Ça se passe tellement vite, c'est araignée debout Facebook. C'est plus de l'ordre du quantique en termes de vitesse. Là. Okay. C'est-à-dire que je me lève pas. T'sais, je vois l'araignée, je suis debout Facebook. Tu comprends? Oui. Ça va vite. Et c'était Tommy qui me réseautait une job. Et j'ai trouvé la scène plutôt marrante. Parce que ça s'est passé très vite. J'étais debout dans mon lit, à moitié tout nu, faut le dire. Toi, tu me popes sur Internet, l'araignée qui me court sur le bras. Et la croyance populaire veut qu'une araignée en contact avec ta peau est un signe de chance. Et clairement, cette croyance-là vient d'un pays où tu peux te faire tuer par une araignée. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as été chanceux. Et ça me fait penser que la chance, Tommy, parfois on n'en a pas. C'est vrai. C'est oui. On ne sait pas pourquoi ça, Tommy. Le mystère de la vie. De la chance. Et bon, ça, ces temps-ci, c'est l'île d'Anticosti qui n'a pas de chance. Effectivement. aucune chance du côté Anticosti. Aucune araignée, d'ailleurs, sur l'île d'Anticosti, si je ne m'abuse. Paraîtrait qu'il n'y a aucune araignée sur l'île d'Anticosti. J'irai pas à guerre avec cette information-là, moi. Moi non plus. C'est la Anticosti, plus grande île du Québec, oui. Avec ses 7900 km², connue depuis des centaines d'années des Amérindiens comme un territoire de chasse. Les Inuits appelaient ça Notitskuhan. En tout cas, je sais pas, ils ont 12 lettres dans leur alphabet, c'est n'importe quoi. Mais ça voulait dire là où les ours sont chassés. Hein. Donc, il y avait des ours dans la place. Malheureusement. Des araignées ayant peur des ours. Voilà. Ça, ils les ont tous tués. Ouais, voilà. Voilà. Mais la non, présence... Non, on sait ce qu'on parle. Ouais, oui, on parle ouais. De l'île d'Anticosti. Mais sa présence à cette île-là semble connue depuis beaucoup plus longtemps, en fait. Elle serait citée pour la première fois en 75 avant Jésus-Christ. As-tu vu? Tout le monde ferme leur hostie de crise de gueule. Ben en 75 oui, avant Jésus-Christ. Ben, waouh, wow. Il donne de l'information. Je te le dis, va chier. Et bon, ils ont trouvé un texte à Carthage, une ville située en Tunisie. Et le texte mentionnait que des gens partaient tous les 30 ans de l'Angleterre vers le refuge de Chronos. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, Angleterre, Anticosti, c'est genre l'océan. Tu sais, il faut que tu. Tu sais, tu y vas. Tu sais, je vais au dépanneur. Non, tu sais, je vais au refuge de Chronos. Et petit détail, s'il en est, hein, c'était la destination, c'était le refuge de Chronos, tu sais, en 75 avant Jésus-Christ. Donc, dieu primordial, Chronos, hein, associé au temps et à la destinée. On parle pas là de la marionnette à Philippe Couillard, tu sais, Chronos, tu sais, c'est comme, c'est son refuge, tu sais. On parle pas de Harper non plus, hein, ni de Layton d'ailleurs, paix à son âme. Ben oui. On parle du refuge de la représentation d'une des plus vieilles connaissances humaines, hein, la dualité. Puisque Chronos, hein, y est uni à Ananké, la déesse de la nécessité. Et là, tu dis chaos, nécessité, yin et yang. Tu sais, c'est fou ce qu'on peut apprendre sur Wikipédia. Et bien le 7 mai dernier, on apprenait que notre cher gouvernement a l'intention, dès 2020, de pratiquer ce qui semble une mode depuis plus de 240 ans, l'activité pétrolifère sur Anticosti. Considéré d'ailleurs comme un territoire exceptionnel pour la chasse aux cerfs de Virginie, tel que spécifié sur le site internet de la CEPAC. Hein? Si t'as 2600$, tu peux aller là-bas une fin de semaine. Et l'activité pétrolifère, ça consiste en deux scénarios. L'option plus. L'option plus, qui se veut 6500 puits pétroliers sur une période de 75 ans pour une superficie de 35 à 40% de l'île. Mais par souci de l'environnement, la restauration commencera dès 2026, hein, les plateformes n'étant pas toutes opérationnelles en même temps. Ou l'option moins, qui se veut quand même 3900 puits pour une période de 56 ans sur une superficie d'à peine 25 à 30% de l'île. Et là, j'entends les trois concernés. ben non, mais on se le cachera pas, là, la voie va recommencer l'année prochaine. On a autre chose à faire. On a hein? autre ouais. chose à penser. Que restera-t-il d'Anticosti? Où irons-nous chasser? Qu'adviendra-t-il de cette population de 266 résidents? Et yes. plus de 166 000 cerfs de Virginie? Yes. Eh bien, ayant moi-même étudié le document en question, monsieur le juge, c'est sans l'ombre d'un doute que la dernière phrase du présent document stipule, et je cite, « Période de questions de 30 minutes. Oh, wesh. Oh, ouais. Je crois que le message est clair. Va chier. Le gouvernement nous dit « va chier ». Et là, Nicolas, c'est à ton tour. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, et mes très chers entre les deux, je vous invite à vous lever pour que nous puissions entamer ensemble le vachier hebdomadaire. Levez-vous. Alors, pour les noms vulgarisés, c'est très simple, je dis une phrase et vous répondez « va chier ». Pour nous avoir vendus et continuer de le faire « va chier ». Pour nous avoir menti et continuer de le faire « va chier ». Pour t'être servi de nous et continuer à le faire « va chier ». Pour nous empoisonner avec ta nourriture, ton eau potable, tes gaz à effet de serre, voire liste des poisons en annexe C, et continuer de le faire. Va chier! Va chier, menteur! Va chier! Va chier, arnaqueur! Va chier! Va chier! Va chier! Va chier! Va chier! Voilà. Yes, sir, tabarnak, disait Saint-Sylvain. Vous pouvez vous rasseoir. Saint-Sylvain, il disait... Ouais, ouais. T'enlèves ta crédibilité. Voilà. Je viens de passer à un niveau inférieur. C'est mon père biologique, je tiens à le dire. Hein. C'est pas le père que vous connaissez dans la chronique, c'est le père biologique Jocelyn Boudreau. Fier Acadien qui disait, il disait, Mathieu, tabarnak, ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris, respirer. Avant, on allait sous les îles avec les chalets. Tout le monde avait des chalets, tout le monde pouvait aller là, ça faisait des feux, ça avait du fun. Pac-Canada est arrivé, Chris, 10 ans, il restait plus rien. Il n'y avait plus un tabarnak, il n'y avait plus un tabarnak de chalet, il avait tout acheté les chalets, 15 000$, 28 000$. Ah oh ouais, arrête ton chalet. Ils ont tout crissé ça à terre, resti. Après ça, à cette heure, plus rien à faire. Tout dérèglement, pas que tout, tu peux même plus aller sur les îles. Ça, il disait tout le temps ça. Hein? Mon père disait ça, avec cet accent-là. Et mon père disait, maudit tabarnak, Mathieu, là. Avant, c'était pire que ça, là. Avant ça, quand ils sont arrivés, la mine pour extraire le fer puis le titane, là, chez vous, là. Ben, tabarnak, en 49, là, ils ont tassé la moitié du village, maudit tabarnak. Ils ont tassé la moitié de kilomètre du village. Puis comment est-ce qu'ils ont fait ça? Pareil, esti, comme sur les îles. Ils ont acheté la maison à tout le monde. 15 000, 28 000. Ah ouais, esti, arrête la maison. Après ça, esti, construit des bureaux. Ils nous ont tout pris. Il nous reste plus rien. Ton grand-père, il me l'a coté. Dans le temps, là, t'arrivais, là, tu pouvais aller sur l'île. Tu t'en allais, là, l'hiver. L'hiver, t'allais en sleigh. Avec deux chevaux. T'attelais les chevaux sur la sleigh du pack-tep, tu t'en allais, là. Puis là, tu pouvais couper du bois puis ramener ton bois à cette heure, là. Les changements climatiques, maudit tabarnak, on le sait, là. Ici, on les a dans la face, maudit Chris. Et c'est à ce moment-là que mon père tombait sous. Attends. Et c'est dommage, tu sais, parce qu'il y avait tellement fucking raison, tu sais. Ça fait longtemps qu'il nous crosse, tellement longtemps que je nous comprends de pas savoir comment s'en sortir. En terminant. Ben, passé, ça, si tu veux que je te dise de plus. C'est grosse, mais c'est tombé pour vrai, hein, cette affaire-là d'Anticosti, que les deux projets que tu parlais, c'est pas une blague, c'est pas une joke, là. Va lire le document. Le plan, c'est... Attends, j'ai-tu le temps de faire ça? Pour vrai, il y a la voix qui recommence. Je sais. J'essaye de pas pleurer, donc j'écris des blagues. c'est ça, je le sais, ça fait beaucoup de matière, tout ça, de l'araignée Facebook à la malchance d'Anticosti en passant hein, par mon père qui est saoul, mais qui a raison. On finit par ne plus se retrouver et je vais donc faire un résumé, peut-être, si tu veux. Ben, moi, ouais, tu veux qu'on jase de ça, parce que moi, Anticosti. Ouais. Ben, il paraît que c'est la deuxième plus grande barrière de corail au monde aussi. Paraîtrait. Ouais. C'est celle qui s'éloigne le plus de l'équateur aussi. Ouais, il y a plein d'espèces uniques, puis le problème, c'est qu'il y a du pétrole en dessous, fait qu'on s'en colle. Il y a énormément, en fait, de pétrole en dessous. Ouais, puis tu sais, les espèces, là. Bon, les espèces, il va en avoir d'autres. Ben, c'est ça. En fait, du pétrole, à un moment donné, il n'y en a presque plus. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est bien plus rare que des espèces. Là. D'ailleurs, on a vu un article passer sur les réseaux sociaux, à savoir qu'il y avait comme un Canadien sur six, quelque chose de même, qui croyait que le pétrole était renouvelable. Un Québécois sur six... va chier, là, mais t'es con, t'es un esticable, sérieux, ben, t'es vraiment con. Ouais, mais techniquement, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Oui. Non, c'est ça, c'est long, mais... Ben oui, Robert, oui, c'est vrai, t'as raison, Robert, mais ça prend... Voilà, bon. C'est ça. À un moment donné... Mais c'est un dossier quand même que la décision est prise. Puis ils vont c'est ça, c'est un dossier chaud. Il y a 266 personnes qui habitent là. Et fitoui simoui, petite calice, ils vont se trouver une autre place où vivre. Parce que toi et ton paradis, non, va chier. Non, ils nous aiment pas, les gens. On dirait qu'ils veulent pas. Aussitôt que tu trouves un coin de paradis, mais moi, ça me touche beaucoup parce que l'île d'Anticosti est vraiment pas loin de Havre-Saint-Pierre. Et Havre-Saint-Pierre, c'est l'endroit d'où je viens. Et c'est un fucking village de Gaulois. Pour vrai, c'est un fucking village de Gaulois. Ces gens-là sont arrivés au début des années 1900. Et eux autres, ils étaient écœurés de tout. C'était une guerre entre les Anglais et les Français. Puis eux autres, ils ont juste dit « Hey, on décalisse. » Puis ils sont partis, puis ils sont allés en bateau. T'sais. Puis il y en a beaucoup des gens qui sont morts dans ces voyages-là. Mais eux sont arrivés à Pointe aux Esquimaux. Ils ont appelé ça Pointe aux Esquimaux. Puis c'est un endroit qui, pendant 18 ans, a été sous aucune juridiction. Et ça, tu n'as jamais connu ça. Et c'est triste. Ouais. Non, je te le dis, c'est fucking triste. Il y a beaucoup de monde sur la Terre. Hein? Ouais. Fait que là, il nous reste juste à nous trouver une autre place, gang. Une place où ils vont arrêter de nous faire chier. Je pense aux anciennes plateformes pétrolières. Je dis ça comme ça, les pirates m'ont donné l'idée. Je me dis, tu sais, eux autres, une fois qu'ils ont pris ce qu'ils pouvaient, tu sais, ils décalissent. Le set de tournage de Waterworld, tu sais, des places que... Ouais, ouais, tu sais. Ouais, les aileuses. Alors, ben, je peux te résumer mon problème. Notre problème, peut-être en partant. Notre problème, Tommy, c'est qu'on est des êtres quintessents dans un monde carré avec un esprit ternaire pogné dans la dualité d'un seul être omniscient, l'argent. Mon nom est Mathieu et j'en ai déjà trop dit. Merci beaucoup. Mathieu Boudreau! Oh, sapristi, il est en feu à soi. Ça nous amène à une petite dernière intervention de Bruno, puis on finit le show, on va aller rejoindre nos amis les caribous volants dans pas long. Nick? D'action. OK, c'est assez. Let's go, Bruno. Il y a trop d'action dans cette chanson-là. Les policiers de Cleveland sont reconnus pour utiliser leur arme à feu comme arme d'impact, les utilisant pour frapper des suspects à la tête. Le département de la justice vient de les aviser que cette pratique n'est pas permise. En effet, suite à plusieurs incidents, dont certains où des coups de feu accidentels ont été tirés, oh, ça doit être glorieux. Ça. Les policiers de la métropole de l'Ohio devront se servir maintenant de leurs armes à feu seulement pour tirer sur des gens et non pour les assommer. Un petit pas dans la bonne direction. Calice, hein? Let's go, mec. Randy Lanes, 47 ans, tentait d'attraper un espadon en sautant de son bateau dans l'eau avec un fusil harpon quand le prévisible est arrivé. En effet, le poisson s'est mis de même en guise de défense, empalant Lanes de son rostre. Rostre étant le mot qu'on utilise pour parler du pic sur un espadon, là, je l'ai appris aujourd'hui. L'homme a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort. Moi, je te le dis, la nature, c'est l'ennemi de l'humanité. Ben, en tout cas, quand tu jumpes dessus, ouais. En tout cas... Le multi massive multiplayer online game MMO. Là, ouais, c'est ça. Lego Universe n'a pas fait long feu. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? un peu plus d'un an après sa sortie, au début 2012, le jeu a été discontinué. Il semble que les coûts de modération étaient rendus trop élevés. En effet, la compagnie avait créé un jeu à monde ouvert où la création était de mise. Mais les joueurs s'en sont servis pour, bien sûr, fabriquer des sculptures de pénis. De pénis, ouais. Est-ce que c'était... Oh, misère. Le prévisible arriva. une codeuse graphique pour le jeu affirme qu'on leur a demandé de faire un logiciel de détection de pénis. Mais les pénis étaient souvent indétectables, les joueurs les cachant ou faisant des formes de pénis visibles d'un seul angle, ou encore les faisaient en plusieurs morceaux, rendant le logiciel impossible à faire fonctionner. Une énorme force de police de pénis formée de modérateurs humains a dû être affectée au jeu et constituait la dépense la plus élevée des coûts optionnels du jeu. Donc, Lego Universe, encore une chose ruinée par les pénis, bien sûr. C'est vraiment con, ça. Câlisse. Et finalement, la bonne nouvelle, 70%. Ah ouais, ah ouais. Jeremiah Raber, un inventeur de 38 ans de Higgs Ride au Missouri, a inventé une coquille communément appelée Jackstrap ou Protège Schnoll, qui peut protéger contre les armes à feu. Le Nutshells a été originalement créé pour les combattants de UFC, mais la vidéo dans laquelle il fait la promotion de son invention le montre se faire tirer une balle de calibre 22 dans la fourche. Le produit aurait aussi attiré l'attention de l'armée américaine. Ben, tout le monde veut protéger son crotch. Ben oui, voilà, on protège sa chenolle, hein? Aïe, aïe, aïe, aïe, ça a été un 70% extrêmement dense. Merci beaucoup à Bruno, merci à Damien, merci à Élise, merci à Jonathan Simon, à Choras, à Presti, merci à Molière de nous avoir pardonné ça. Merci à Mathieu, Fred, on avait qui d'autre aussi? Portelance, ben oui, là-bas, va te faire couper les cheveux. Là-dessus, je pense que merci à Chinook, merci à qui d'autre? Merci à Eric Carmen, qui d'ailleurs va être le VJ tantôt. Là-dessus, on va laisser nos invités, Ninon et Johan. Merci beaucoup d'avoir participé avec ça ce soir. Ils vont nous jouer des chansons, si c'est pas chanceux de notre part. Merci! C'était 70%. Vous savez quoi? C'est l'époque des chrysanthèmes, parfum de chrysanthème. Mets pas la main dans la crise contemporaine, c'est l'époque des chrysanthèmes. C'est l'époque des chrysanthèmes, parfum de chrysanthème. Mets pas la main dans la crise contemporaine, c'est l'époque des chrysanthèmes. La positive attitude nous méprise, la négative convoitise nous attise. C'est la crise, c'est la crise. Crise de conscience, crise de confiance, crise d'espérance, crise sans importance. Crise sociale, crise mentale, crise mondiale. Crise de l'air, crise de nerfs, l'homme dégénère. Pourquoi? C'est l'époque des chrysanthèmes, parfum de chrysanthème. Mets pas la main dans la crise contemporaine, c'est l'époque des chrysanthèmes. C'est l'époque des chrysanthèmes, parfum de chrysanthème. Mets pas la main dans la crise contemporaine, c'est l'époque des chrysanthèmes. subir la grosse entreprise. Crise de l'instant, crise en tout temps. Crise du logement, crise du courant. Artistique, théâtre, cinéma, culture. Crise de l'humaine nature. Crise du pouvoir, crise du savoir. Crise économique, crise politique. La positive attitude nous méprise. La négative convoitise nous attise. L'informe uniformité nous déforme. Ma forme du traqué n'est pas conforme. Pourquoi ? C'est l'époque des chrysanthèmes. Parfum de chrysanthème. Mais pas la main dans la crise contemporaine. C'est l'époque des chrysanthèmes. C'est l'époque des chrysanthèmes. Parfum de chrysanthème. Mais pas la main dans la crise contemporaine. C'est l'époque des chrysanthèmes. Contemporaine, nature, la musique, peinture. Un monde ordure. La crise est vieille comme la guerre. Théorie crucifiée depuis deux millénaires. Crise israélienne, crise palestinienne. Crise originelle, intemporelle, crise éternelle. Crise chromatique, emblématique. Le tic-tac, tic-tac, maïque idéologique. Crise imperceptible de l'effet de serre. Crise altermondialiste, on n'en a rien à faire. Confort inégalitaire égale crise monétaire. Crise d'ordinaire égale crise imaginaire. La crise populaire est devenue suicidaire. En manque d'air, j'ai un succès sur terre. Pourquoi ? C'est l'époque des chrysanthèmes. Parfum de chrysanthème. Mais pas la main dans la crise contemporaine. C'est l'époque des chrysanthèmes. C'est l'époque des chrysanthèmes. Parfum de chrysanthème. Mais pas la main dans la crise contemporaine. C'est l'époque des chrysanthèmes. Merci. On en fait une autre. Il y a des mots qui guérissent les mots. Il y a des mots qui résonne dans nos têtes. Tu dis tout, dis rien du tout. Des mots croisés, c'est un casse-tête. Y'a des mots à double tour. Des émotions et des accords. Y'a des mots dits sans détour. Détournés, ils ont l'air si forts. Y'a des mots vite démotés. Modelés sur les mondanités. Et des mots démotivés. Ramollos sans autorité. Y'a des mots, des mots, des mots qui guérissent les mots. Des mots creux, des mots, des mots qui ont l'air très sérieux. Des mots doux, de vrais petits bijoux. Des mots durs, comme des murs. Y'a des mots démonstratifs, indubitablement poussifs. Y'a des mots pas très marrants. Tu rigoles, c'est rassurant. Y'a des chameaux, des moches chameaux. Captain Nemo fort à l'amo. Poète maudit et puis Molière. Des mots passants, Apollinaire. Y'a des mots chiants, des mots vulgaires. Y'a guère de mots dans l'ordinaire. Y'a des mots fous, y'a des mordus. Y'a des mots tels, des bouches cousues. Y'a des mots, des mots, des mots qui guérissent les mots. Des mots creux, des mots, des mots qui ont l'air très sérieux. Des mots doux, bijoux, des mots durs, comme des murs. Y'a de bien mauvais jus de mots qui imbibent souvent les radios. Y'a des tas de mots pour dire l'amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime toujours. Des moralistes, des animaux ressemblent tous à Brigitte Bardot. Des mots los et des mots lassons qui de gros mots te font la leçon. Quelle vie de chien, de oui, de rêve et de rêve. Quelle vie de chien, de tabou, de vin. Y'a des mots sades, des mots sadiques. Des dictateurs du monologue. Y'a des mots fades, de mauvais tics. Et des mots cœurs, des mots en vogue. Y'a des mots, des mots, des mots qui guérissent les mots. Des mots creux, des mots, des mots qui ont l'air très sérieux. Des mots doux, dur. Comme des murs. Les mots songent belle modernité. Mensonge, dis-moi la vérité. Du son des mots naît la chanson. L'émotion, l'émotion, le poète rit. Les sons polissons, et nos mots sont à l'unisson, hallucinons. Je m'excuse, avant de passer à la prochaine chanson, Johan, il y a une question que j'ai oublié de vous poser. C'est comme un classique ici. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Ça fait bien longtemps. Est-ce que tu joues à Magic? C'est les cartes? Oui. Ça fait bien longtemps aussi. Oh! Elle joue! On a écrit une chanson spécialement pour notre venue ici au Québec. Allez, soyez indulgents sur l'accent, s'il vous plaît. Parce que c'est un grand travail de chaque jour, quand même. Aiment suivre nos traces dans les monts canadiens. Les maringouins apprécient notre côté sanguin. Les maringouins aiment suivre nos traces dans les monts québécois. Les maringouins ont un sourire plutôt narquois. Là s'enivre d'hémoglobine. Auprès de mon cou, pas de famine. Il me suce les protéines. La bouffe bio donne des vitamines. Il batifole dans mon cuir chevelu. Mais ce qu'il préfère, c'est me voir tout nu. Auprès de moi, c'est open bar. J'suis leur poutine. Assez barbare, c'est leur caviar. Les maringouins aiment suivre nos traces dans les monts canadiens. Les maringouins apprécient notre côté sanguin. Les maringouins aiment suivre nos traces dans les monts québécois. Les maringouins ont un sourire plutôt narquois. Il me murmure un doux. Il recommence, quel gourmand. Ils aiment bien les petites filles. Les petits garçons et leurs familles. Ils aiment bien les petites filles. Les petits garçons et leurs familles. Ce soir c'est la fête des voisins. On va trinquer jusqu'à plus soif. On va se faire. J'ai l'appétit qui me décoiffe. Ce soir c'est la fête les copains. C'est l'orgie, y en a pour tout le monde. Regardez-moi tous ces humains qui applaudissent à chaque seconde. Hey, Je t'ai vu. Tu applaudis. Les maringouins, aiment suivre nos traces dans les monts canadiens. Les maringouins, apprécient notre côté sanguin. Les maringouins, aiment suivre nos traces dans les monts québécois. Les maringouins, ont un sourire plutôt narquois. Ce soir c'est la teuf les copains. C'est l'orgie, y en a pour tout le monde. Non, ça je l'ai encore déjà dit. Je fais toujours la même au même endroit. Alors le moustique il dit quoi? Ce soir c'est la teuf les amis. Jusqu'à l'aurore on va se baffrer. On va buzzer toute la nuit. Demain on les laisse se gratter. On va vous faire une dernière chanson. Juste pour dire qu'on est en concert vendredi et samedi prochain à La Chine. C'est pas très loin quand même. Au bout du canal La Chine. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu loin d'ici. Bah on en vient, hein, on fait le chemin, on vient de la France, t'imagines, l'autre côté du monde. On va faire une dernière chanson sur les costards cravates, sur les courtiers, les traders. Les costards cravates ont l'air maussades. Ils n'ont vraiment pas la gueule à la rigolade. Branchés sur leur iPhone en perfusion, ils ont le rictus coincé de la constipation. Pourtant on raconte que les nouvelles technologies sont censées développer notre potentiel. Mais s'ils sont collés serrés dans le métro parisien, c'est chacun pour soi quand se lève le voisin. Costard cravate, costard cravate, les costards. Costard cravate avec nous. Costard cravate, j'entends rien. Costard cravate, c'est bien. Les costards, les costards cravate, cravage pour ton avenir. Ils jouent à la bourse, c'est leur plus gros délire. Monopoly grandeur nature, c'est vraiment le kiff. Ils aiment jouer au cowboy et se prendre pour des shérif. Shérif. Malgré ces jeux éducatifs, ils n'ont pas l'air heureux. Ils rêveraient d'être créatifs, mais gardent trop l'heure sérieux. Ils sont mauvais perdants, ne vous en déplaise. Car avec votre argent, ils se sentent plutôt à l'aise. Malaise. C'est pourtant grâce à nous qu'ils jouent nos lendemains. Le travail de la fourmilière, les labeurs du quotidien. Ont-ils peur de perdre leurs illusions de croissance pour nous faire sombrer dans cette douce décadence? Costard cravate. Encore. Costard cravate. Plus fort. Costard cravate. Les costards. Costard cravate. Costard cravate. C'est ça. Costard cravate. Les costards. Les costards cravates ont l'air maussade. Ils n'ont vraiment pas la gueule à la rigolade. Branchés sur leur iPhone en perfusion, ils ont le rictus coincé sous évaluation, dévaluation, révolution, évolution, dévaluation. Les costards, costards. Allez, on reprend tous ensemble. Costards cravate. Costards cravate. Cravache. Costards cravate. Les costards, costards cravate, costards cravate, cravache, costards cravate, les costards, ouh, télép, costards cravate, télép, costards cravate, costards, ouh. Merci d'avoir participé, ça fait plaisir. C'était le Caribou Volant en tournée au Québec et on est super contents. Ah, merci de toute beauté. Merci au Caribou Volant, oui, vraiment. C'est quoi? C'est vendredi et samedi prochain au Canal La Chine. Voilà. Allez voir sur Facebook Caribou Volant pour voir les autres dates. Si vous connaissez quelqu'un qui a une salle, j'ai l'impression qu'ils vont être contents de n'entendre parler. Merci, Johan. Merci, Ninon. Merci beaucoup. Là-dessus, ben, on poursuit l'aventure avec Eric Carmen, notre VJ de la soirée.